Bébé tu connais, cœur de pirate, du mal à me dévoiler. Dans le tiroir j'ai tout cas, ça te touche car j'ai trop bataillé. Un cœur en mille morceaux, j'avais besoin de stabilité. Elle a besoin de temps, j'ai besoin de papel, elle sait que je suis pas limité. Parfois tu fous le démon, mais au fond t'es un ange. L'année prochaine c'est promis, je change de comportement, je dois quitter la France. Eux ils veulent pas qu'on soit deux, qu'on sorte le Urus, qu'on profite un peu. Là devant les jaloux font la queue, si ton cœur bat, je le vois dans les yeux. Doudou met sa main sur ma nuque, j'encaisse de ouf comme Nicky Santoro, hey. Mets pas tes mains sur le truc, il a peut-être déjà servi dans le ghetto, hey. Tu m'as dans la peau, moi j't'ai dans la tête, ton nom fait des échos. C'est toujours la même, hey. Ma chérie c'est compliqué. Train de vie noire avec que j'vieillisse à ses côtés. Que ça finisse en beauté. Minuit dans le square, j'pense à toi. Est-ce que tu penses à moi? Là le temps d'un couplet, juste le temps d'un couplet. T'es mon diamant, t'es ma collabo. Moi j'souris jamais, j'sors en commando. Y'a qu'un seul capitaine sur le bateau. Et si cool qui protégera mon dos. A la base moi j'étais dans le bon. La petite m'a transformé en monstre. Elle m'a pris pour un con. Grâce à Dieu j'ai pas touché le fond. J'étais contraint de couper les ponts. Mon négro laisse, c'est compliqué. Sur la cuisse elle a tatoué les snakes. J'crois que la sorcière m'a envoûté. Elle a même pas redave les efforts. Ça pas suffit, elle en demande encore, ouais. Dans le coupé sport, on voit que nous en Christian Dior. Trop d'émotions, tu fais trop de phases. T'en oublies que j'étais solitaire à la base. Moi, je peux vite péter un câble, remettre le jogging, reprendre les bails. Noir. Doudou met sa main sur ma nuque, j'encaisse de ouf comme Nicky Santoro, hey. Mets pas tes mains sur le truc, il a peut-être déjà servi dans le ghetto, hey. Tu m'as dans la peau, moi j't'ai dans la tête, ton nom fait des échos. C'est toujours la même, hey. Ma chérie, c'est compliqué. Train de vie noire avec que je vieillisse à ses côtés. Que ça finisse en beauté. Minuit dans le square, je pense à toi. Est-ce que tu penses à moi? Là le temps d'un couplet, juste le temps d'un couplet. T'es mon diamant, t'es ma collabo. Moi je souris jamais, je sors en commando. Y'a qu'un seul capitaine sur le bateau. Et si cool qui prend.